السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات والأوديتور والأوديتريس qui nous suivent sur les radios du Masjid al-Rahma. Et ceux qui sont en direct dans notre mosquée, marhaban bikum jami'an, dans cette assise qui se veut être notre seconde assise d'après Tarawih. Dans l'assise d'hier, nous avons vu 10 principes, 10 règles relatives à la droiture, à l'istiqam, la droiture dans la religion. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, nous allons étudier 10 points parmi 10 causes qui vont aider à concrétiser l'opposé de la droiture. Qu'est-ce que l'opposition de la droiture? Le contraire de la droiture, c'est la désobéissance. Et le sujet des péchés est un sujet qui nous concerne tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout fils d'Adam est pécheur, et le meilleur d'entre eux, ce sont ceux qui sont abondants dans la repentance. Et le sujet des péchés est un sujet qui fait partie du quotidien du musulman, car le musulman est amené à pécher. Les prophètes et les messagers, alayhim as-salatu wassalam, sont préservés des kaba'ir. Mais nous pouvons tomber dans les kaba'ir et dans les sora'ir. Et donc, nous avons besoin de connaître certaines causes qui nous aideront à délaisser les péchés, à nous en écarter. Nous allons nous baser notamment sur un des livres de Cheikh al-Islam Ibn Qayyim, dans lequel il a mentionné certains éléments qui seront des éléments qui nous aideront à délaisser les péchés. On en a choisi 10 pour la soirée d'aujourd'hui. Donc, nous allons aborder 10 causes qui aident à délaisser les péchés. Donc, la première, ijlalullahi wa i'zamu, c'est-à-dire le fait d'avoir de la vénération vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire d'avoir un profond respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui respecte énormément Allah d'un amour profond, d'un amour de dévotion et d'un respect qui est profond et sincère, ne va pas lui désobéir. Car il a conscience que son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il va pécher, Allah le voit, Allah l'entend parfaitement. Donc de par son amour, sa peur, son espoir vis-à-vis d'Allah, sa crainte et son respect qu'il a vis-à-vis d'Allah, de par sa vénération, c'est-à-dire le profond respect qu'il a envers Allah, alors ceci l'aide à s'abstenir de lui désobéir. Et Allah Azza wa Jalla a mentionné dans le Coran al-Karim: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et la terre tout en entier sera dans sa main le jour de la résurrection, et les cieux seront repliés dans sa main droite. Gloire et pureté à lui, lui le Très-Haut, il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, مَا لَكُمْ لَتَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Qu'avez-vous donc à ne pas respecter Allah de la manière qui sied? Donc le fait d'avoir un profond respect vis-à-vis d'Allah va faire que lorsque tu veux faire le péché, tu vas te rappeler d'Allah, tu vas penser à ton Seigneur, au fait qu'il te voit, qu'il t'entend, et ceci va t'aider à te retenir de pécher. Le deuxième élément qui sera une cause aidant à délaisser les péchés, mahabbatullah, l'amour d'Allah, l'amour sincère et véritable. En effet, ceci est un signe distinctif du croyant, le fait qu'il aime Allah. Rends-toi compte que tout ce que tu possèdes, tout ce dont tu jouis, c'est-à-dire tes organes, tes sens, les bienfaits dont tu jouis dans ta vie, Allah te les a donnés. Et tu te dois d'aimer ton Seigneur. Et Allah Azza wa Jalla dit: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont cru sont les plus ardents quant à l'amour qu'ils éprouvent vis-à-vis d'Allah. Et celui qui est préoccupé par l'amour d'Allah, il va être occupé à faire ce que Allah aime et agrée. Et ceci va le détourner du fait d'agir d'une manière qui courrouce Allah, c'est-à-dire qui provoque sa colère. Et également parce que la personne qui est véridique, lorsqu'il dit « j'aime Allah », sa prétention a une preuve. Ta'ato, l'obéissance vis-à-vis d'Allah. Allah a dit « in kuntum tuhibbun Allah ». Ça, c'est ad-da'wa, c'est la prétention. « In kuntum tuhibbun Allah ». Si véritablement vous aimez Allah, « fattabi'uni ». Suivez-moi, c'est-à-dire suivez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Yuhbibukum Allah, alors Allah vous aimera, wa yaghfir lakum dhunubakum, et vous pardonnera vos péchés. Et donc c'est une contradiction de prétendre aimer Allah et de lui désobéir. Des vers de poésie qui furent attribués à soit l'imam al-Shafi'i, soit l'imam ibn Mubarak, mentionnent تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محل في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. C'est-à-dire que tu prétends aimer la divinité digne d'adoration, tu lui désobéis à cette divinité et tu prétends de façon ouverte l'aimer. Ceci n'est pas possible. Et si tu étais véridique dans ton amour envers lui, tu lui aurais obéi, car celui qui est aimant est obéissant envers celui qui est son bien-aimé. Donc si tu es véridique dans ton amour envers Allah, sois lui obéissant. La troisième cause qui aide à délaisser les péchés. Le fait de constater « ni'amullahi wa ihsanu ». Le fait de se rendre compte, ô combien Allah t'a comblé de ses faveurs, ô combien Allah t'a comblé de ses grâces, ô combien Allah a été bon envers toi. Allah Azza wa Jalla, concernant les bienfaits et les grâces dont il a fait don à l'humanité, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Si vous essayez d'énumérer, c'est-à-dire de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas le faire, tant ils sont nombreux. Et donc, l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullahu ta'ala, dans son livre At-Tawabin, c'est un ouvrage sur les repentants, ceux qui se sont repentis, a rapporté une qissa, une histoire qui est à propos d'Ibrahim ibn Adham, un homme qui était éperdu dans les péchés, c'est-à-dire que c'était un grand désobéissant, quelqu'un qui était un grand pécheur. Est venu voir cet homme du nom d'Ibrahim et justement lui a posé une question concernant le sujet des péchés. Il lui a donné 5 conseils. Il lui a indiqué 5 éléments. Il a dit, si tu peux concrétiser ces 5 choses-là, désobéis à Allah. Soyez attentif. Donc il a dit, si tu peux concrétiser ces 5 choses, désobéis à Allah. Taïeb. C'était un pécheur à qui il s'adresse. Si tu es capable de faire ces 5 choses, désobéis à Allah. Et donc, la première de ces 5 choses, فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْصِي اللَّهَ فَلَا تَأْكُلَ رِزْقَ. Si tu veux désobéir à Allah, ne mange pas sa subsistance. Ne mange pas ce qu'Allah t'a donné comme nourriture. Si tu veux lui désobéir, abstiens-toi de son risque. C'est-à-dire de ce qu'Allah te donne comme boisson, comme nourriture et comme chose dont tu as besoin pour vivre. Et l'homme lui a répondu, qu'est-ce que je vais pouvoir manger si je ne mange pas sa subsistance? Il a dit, donc tu manges sa subsistance et tu te permets de lui désobéir? Ça c'est le premier. Il a dit, non, je ne suis pas capable. Il a dit, donc donne le deuxième conseil, le deuxième point. Il a dit, si tu veux désobéir à Allah, alors cesse de vivre dans une terre qui lui appartient. Tu veux désobéir à Allah, cesse de vivre dans une terre qui lui appartient. Il dit ça, il a répondu le pécheur en disant que ça c'est encore plus grand et plus difficile que le premier point. Alors qu'Allah lui appartient l'Orient et l'Occident. Toute la terre appartient à Allah. Comment pourrais-je faire? Et donc il lui a répondu, est-ce que tu penses qu'il est convenable que tu manges sa subsistance, que tu vis sur sa terre et tu te permets de lui désobéir? Ça, c'était le deuxième. Le troisième élément, il lui a dit, si tu es dans l'envie, tu es envieux, tu as envie de désobéir à Allah, alors que tu bénéficies de sa subsistance et que tu es sur sa terre, alors trouve un endroit dans lequel Allah ne te verrait pas pour lui désobéir, pour pouvoir lui désobéir. Et l'homme lui a dit, comment je ferai ça alors qu'Allah connaît toutes choses et voit toutes choses, rien ne lui échappe, ni même les choses qui sont cachées. Donc il lui a dit, est-ce que tu penses qu'il serait correct que tu manges sa subsistance, que tu vis sur la terre qui lui appartient, et tu désobéis à celui qui te voit, et tu fais ça manifestement devant lui? C'était le troisième élément. Le quatrième élément, il lui a dit, si l'ange de la mort vient pour saisir ton âme, adresse-toi à lui et dis-lui, laisse-moi le temps de me repentir d'une repentance sincère et que je puisse œuvrer pour Allah pieusement. Dis-lui ça à l'ange de la mort. Il a dit, mais il n'acceptera jamais cela de ma part, c'est-à-dire l'ange de la mort. Il dit donc, si tu n'es pas capable de repousser de toi-même la mort, afin de pouvoir te repentir, et que tu sais que s'il vient à toi, tu n'auras pas de moyen de te sauver de lui, comment peux-tu te permettre de désobéir? Il a dit, donne-moi le cinquième point. Il a dit, lorsque viendront à toi, Zabaniya. Qu'est-ce que c'est, Zabaniya? Et Shabab, est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer ce que c'est Zabani? Ce terme-là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Les anges de l'enfer. Ça n'a de Zabani. Donc justement, il lui a dit, donc le cinquième point qu'il lui a donné, il avait dit, si Zabaniya, les anges gardiens de l'enfer, viennent à toi, Yom Al-Qiyamah, afin de t'emmener vers le feu de l'enfer, ne va pas avec eux. Il a dit, ils ne me laisseront pas. Et ils n'accepteront pas de moi, c'est-à-dire le fait que je sois réticent à cela. Il dit alors, comment espères-tu être sauvé? C'est-à-dire, comment tu veux être sauvé si tu pèches et que tu n'es pas capable d'empêcher les anges de t'emmener en enfer? Et donc cet homme qui était un pêcheur, qui était venu voir cet homme Ibrahim, a dit, ceci m'a suffi, astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Donc essayez de méditer sur ces points-là. Comment peut-on se permettre de désobéir à Allah alors qu'on en mange et on vit par sa nourriture? Comment on peut se permettre de désobéir à Allah alors que nous vivons sur la terre qui lui appartient? Comment pouvons-nous désobéir à Allah alors qu'il nous voit parfaitement lui désobéir? Comment pouvons-nous nous permettre de désobéir à Allah alors que la mort peut venir à tout moment et nous n'aurons aucun moyen de la retarder? Le temps de se repentir. Et comment pourrons-nous désobéir à Allah alors que lorsque les anges du châtiment viendront nous saisir, nous ne pourrons pas les repousser? Allah nous facilite la repentance. Le quatrième élément aidant à repousser les péchés. Le fait de se rappeler la colère d'Allah et de sa punition. Lorsqu'Allah est désobéi, c'est-à-dire que lorsque les serviteurs désobéissent à Allah, ceci provoque la colère d'Allah. Et si Allah se met en colère contre un serviteur, il se peut qu'il le châtie dans cette vie. Et ou dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a dit, فَلَمَّا أَسَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Et lorsqu'ils nous eurent hérités, nous nous vengeâmes d'eux, c'est-à-dire nous les avons châtiés. Donc lorsque le serviteur est sujet au fait que son âme lui suggère la désobéissance, c'est-à-dire qu'il songe, il pense, il commence à penser à faire un péché, alors qu'il se rappelle la colère d'Allah et son châtiment qui est inéluctable, dans le sens où si Allah est en colère contre toi, si Allah souhaite te châtier, personne ne pourra te protéger. Personne ne peut être un rempart entre toi et le châtiment d'Allah. Et comment tu repousserais et te protégerais-tu de ton Seigneur, alors qu'il a créé l'univers? Comment pourrais-tu te préserver et te protéger de son châtiment? Le cinquième élément. Le fait de se rendre compte que par le péché, on perd des choses qui sont des bonnes choses. C'est-à-dire que les péchés ont des conséquences. Le fait qu'on perd le statut de croyant à la foi complète auprès d'Allah, le fait qu'on perd la baraka, qu'on oublie de la science, que l'on perd de la force dans l'adoration, qu'on est privé de pouvoir concrétiser certaines adorations, qu'on peut être privé de qiyam al-layl, parce que c'est des conséquences de nos péchés. Les péchés ont des conséquences. Et lorsque tu t'adonnes au péché, tu te vois, par le fait de pécher, à la place de faire le péché, tu pourrais faire une bonne œuvre. Donc tu rates l'occasion de faire le bien. Et de plus, comme les ulémas des pieux prédécesseurs disaient, la bonne œuvre appelle sa sœur et la désobéissance appelle sa sœur. C'est-à-dire celui qui fait un péché, en général, ça le pousse à faire un autre péché. Qui le pousse à faire un autre péché. Et après, c'est comme ça qu'il chute dans la religiosité. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a mentionné concernant le fornicateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, et le sahih de l'imam Muslim a dit: La yazni zani hayna yazni wa huwa mu'min. Wa la yashrab al-khamra hayna yashrabuha wa huwa mu'min. Wa la yasriq al-sariq hayna yasriq wa huwa mu'min. C'est-à-dire que le fornicateur, lorsqu'il fornique, n'est pas croyant. Et celui qui boit l'alcool au moment où il le boit, n'est pas croyant. Et celui qui vole au moment où il vole, n'est pas croyant. Bien entendu, ceci n'est pas dans le sens où il est devenu kafir. Car ses péchés sont min al-kaba'ir. Une kaba'ir dhunub. Ce qui est voulu par la négation de la foi, c'est la négation de la foi complète, du parachèvement de la foi. C'est-à-dire que donc la personne perd son statut de croyant à la foi complète pour être un croyant à la foi déficience. À la foi déficience, c'est-à-dire un fait, c'est-à-dire être un grand désobéissant aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va le surnommer Mu'minun Fasiq, un croyant de par sa foi, mais un Fasiq, un dévoyé, un débauché de par sa mauvaise conduite. Ou Mu'minun Fajir, croyant mais du nombre des transgresseurs. Ou Mu'minun Asi, c'est-à-dire un croyant qui est désobéissant. Et méditez un instant sur ce hadith. Car ce hadith fait référence à justement la destruction des œuvres de par les péchés. Fa'an Thawban, donc le noble compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala: La u'allimanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi hasanati amthal jibal tihama bayda. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens dont le prophète sallam a fait mention dans un hadith, qui viendront yom al-qiyama avec des montagnes de hasanat. Des montagnes de hasanat. Donc c'est-à-dire que dans cette vie ici-bas, ils ont œuvré. Ils auront fait beaucoup d'œuvres. Fayaj'aluha Allah les réduira à l'état de poussière éparpillée. Les réduira à néant. Qala Thawban, Ya Rasulallah, sifhum lana. C'est-à-dire, décris-les-nous, c'est-à-dire, décris-nous ces gens, afin justement de ne pas en faire partie, de ne pas être comme eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces gens. Amma innahum ikhwanukum. Ces gens-là qui auront yawm al-qiyamah des montagnes de hasanat et qui verront leur hasanat détruite par Allah, anéantie, il dit: Innahum ikhwanukum, ce sont parmi vos frères, c'est-à-dire ce sont des musulmans. Wa min jildatikum, ils font partie des vôtres. Ya'khudhuna min al-layl kama ta'khudhun, ils prient la nuit comme vous vous priez la nuit. Walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillah intahakuha. Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils étaient seuls et qu'ils étaient confrontés aux interdits d'Allah, ils les transgressaient. En conséquence, leurs œuvres sont anéanties, yawm al-qiyam. Donc il y a des formes de bien que l'on rate et dont on en est privé de par le fait de se laisser aller à la désobéissance. Le sixième élément, et on s'arrêtera à 10, inch'Allah. Le fait que par le fait de s'écarter des péchés, on savoure le fait de dominer son âme et de dominer et de contraindre le diable. Car les deux éléments que je viens de mentionner sont des ennemis du fils d'Adam. Excusez-moi. Car l'âme incitatrice au mal. Comme vous le savez, il y a trois types d'âmes. L'âme qui se blâme elle-même, c'est-à-dire le pécheur qui regrette, qui se repent, qui pêche, qui regrette, qui se reprend et qui se repent. Ça, c'est l'âme qui se blâme elle-même. Et ensuite, parmi les âmes, il y a l'âme qui est celle de celui qui est minas-sabiqina bil khayrat. C'est-à-dire que l'âme qui est incitatrice au bien, l'âme de celui qui est diligent dans le bien. Et il y a al-amaratu bis-su, l'âme qui est celle qui incite au mal, qui a des penchants destructeurs vers le péché et la désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette âme-là, on doit la dompter. Cette âme-là, on doit apprendre à lutter contre elle. Par le fait de s'efforcer de délaisser les péchés, on lutte contre elle parce que ton âme est la première cause, une des premières causes du péché. C'est-à-dire du fait que tu sombres et que tu tombes dans les péchés. Et Shaitan aussi. Et c'est pour cela que fait partie des invocations du prophète, alayhi salatu wasalam, dans laquelle il disait, en s'adressant à son compagnon Abu Bakr, Qul, dis, Allahumma fatir as-samawati wal-ard. Ô Allah, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, alim al-ghaybi wa shahada, toi qui es le savant, qui connais ce qui est caché et ce qui est visible et constatable par les créatures, Rabba kulli shay wa malika, toi qui es le créateur de toutes choses, seigneur de toutes choses et qui en est le créateur et détenteur, Ashhadu an la ilaha illa ant. Nulle divinité, j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. A'udhu bika min sharri nafsi. Donc regardez, il demandait la protection contre le mal de sa propre âme, de sa propre personne, alayhi salatu wasalam. Wa min sharri shaytani. Et contre le mal du shaytan. Wa shirki. Et contre son polythéisme. Donc il y a la demande ici de protection contre le mal de notre propre âme et contre le mal du diable. Donc il convient aux musulmans d'apprendre cette invocation et de la mentionner avec assiduité. Le septième élément sur les dix que nous allons aborder ce soir, le septième élément, le remplacement. C'est-à-dire que lorsque tu renonces au péché pour Allah, tu renonces au péché, tu délaisses le péché, Allah te le remplace par ce qui est meilleur. Donc en vérité, tu ne regretteras pas le délaissement du péché. Donc celui qui délaisse la désobéissance d'Allah par peur d'Allah, espérant sa satisfaction, alors Allah lui remplace par ce qui est meilleur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. En effet, Allah Azzawajal a mentionné, Man amila salihan. Donc quiconque fait bonne œuvre, c'est-à-dire obéit à Allah et pieux vis-à-vis d'Allah, min dhakarin untha, que ce soit un homme ou une femme, wa huwa mu'min, tout en étant croyant, alors nous le ferons vivre une bonne vie. C'est-à-dire que nous lui accorderons une bonne vie. Ça, c'est ici-bas. Et wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Et dans l'au-delà, nous les rétribuerons en fonction des meilleures œuvres qu'ils avaient accomplies. Donc le fait de délaisser quelque chose pour Allah a des conséquences positives dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah Azzawajal a mentionné, Wa amma man khafa maqama rabbih. Et quiconque aura redouté la rencontre avec son Seigneur, wa naha nafsa anil hawa, et qui aura retenu son âme quant aux pulsions illicites, c'est-à-dire le fait de se laisser aller à ce qu'elle voulait comme péché. Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sa demeure final et éternel sera le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innaka La tada'a shay'an ittiqa Allah illa a'taka Allah khayran minhu. Donc tu ne délaisseras pas la moindre chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, cherchant à te prémunir de son châtiment et de sa colère, sans qu'Allah ne remplace cela auprès de toi par quelque chose qui est meilleur. Le huitième point, al-ma'iyya. C'est-à-dire que si tu obéis à Allah et tu délaisses les péchés, Allah sera avec toi. Donc, ma'iyatullah il-khassa. Le fait qu'Allah sera avec toi, dans le sens où Allah va venir en aide à ses serviteurs. Il va leur accorder sa préservation, sa protection, son secours, sa protection et son assistance. C'est-à-dire qu'il va leur venir en aide. En effet, le fait de délaisser les péchés fait partie de la bienfaisance, fait partie de ce qui requiert de la patience. Allah a dit « Inna Allah ma'a sabirin ». Allah est avec ceux qui sont endurants. Également, Allah Azzawajal a dit « Inna Allah la ma'al muhsini » Et Allah a dit « Et certes, Allah est avec les bienfaisants. » Et Allah a dit « Inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun » Allah est avec ceux qui sont pieux, c'est-à-dire qui le craignent, et ceux qui sont bienfaisants. Et le fait qu'Allah soit avec toi, ça veut dire qu'Allah te protège, t'aide, t'accorde le succès, t'accorde sa protection. Et inversement, si tu désobéis à Allah, tu risques de sa part, sa colère et son châtiment. Non? Le neuvième point, le fait de redouter de mourir en train de pécher. Parmi ce qui va t'aider à renoncer au péché, le fait que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, tu peux mourir à tout instant, tu peux mourir à tout moment, et tu peux mourir alors que tu es en train de faire ce péché-là. Donc lorsque tu vas vouloir faire ce péché-là, tu peux te rappeler qu'à tout moment tu peux mourir. Et la mort subite arrive. Même, on a vu même des sportifs de haut niveau, encadrés par des médecins, avec des fonctions vitales, cardiaques, optimum. Des gens qui sont en meilleure santé que nous dans un point de vue physiologique, biologique, au niveau de leur organisme. Ils ont marché sur un terrain de foot, raid mort. Il y a des gens, ils sont en parfaite santé. Ils s'endorment, ils ne se réveillent pas. Donc ne sois pas leurré parce que tu es jeune, que tu es en forme. Va faire des tours dans les cimetières. Tu verras des dates de gens qui ont vécu quelques minutes dans cette tenue. Et ils sont morts. Ils sont sortis du ventre de leur mère, ils sont morts. Certains ont vécu quelques semaines de plus. Certains ont vécu quelques mois de plus. Certains ont vécu quelques années de plus. Certains ont vécu quelques décennies de plus. Qui t'a garanti que tu vas vivre vieux? Qui te l'a garanti? Nul n'a de garantie de savoir quand est-ce qu'il va mourir. Et Allah Azzawajal a dit, « Likulli ajalin kitab » C'est-à-dire que toute échéance, tout délai est inscrite. Notre délai a déjà été inscrit, avant même que nous soyons créés, avant même que nous n'ayons la vie, avant même que nous n'existions dans ce bas monde, notre délai était connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah azza wa jalla a dit, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ C'est-à-dire que lorsque leur délai vient, c'est-à-dire que la mort vient, que leur fin vient, ils ne peuvent pas la retarder ni la devancer, c'est-à-dire la faire l'anticiper, entre guillemets. Donc, l'être humain ne sachant pas quand est-ce qu'il va mourir, il doit se prémunir du péché afin de faire en sorte de ne pas mourir en train de pécher. Non. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith avait dit « Akthiru min dhikri hadimi ladhat » C'est-à-dire, soyez abondants de la mention de la destructrice des plaisirs, c'est-à-dire référence à la mort. C'est-à-dire, rappelez-vous fréquemment la mort. Car beaucoup de gens négligent. Combien de gens, ils sont partis en voiture? Bonne santé, argent, tout ce qu'ils veulent. Allah leur a donné la vie, la santé, tout ce qu'il fallait pour vivre correctement. Ils ont pris une voiture, ils voulaient aller dans telle ville, dans telle boîte de nuit, dans telle localité. Ils sont fauchés par un train, ils sont fauchés par une voiture. Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là, et on en connaît tous, dans chaque ville de France, il y a des jeunes comme ça. Des jeunes qui, soit lui, il n'était pas éméché, mais celui qui conduisait l'était. Ou soit aucun d'entre eux n'était ivre ou n'était drogué, mais ceux de l'autre voiture qui les ont tués l'étaient. Ils sont partis pensant pécher et se repentir plus tard quand ils seront vieux, ils feront le hadj, ils vont faire tawbah, ils seront des gens pieux. Ils sont morts, ils avaient 15, 14, 16, 17, 18. Ils sont partis pensant revenir. Ils ne savaient pas ce matin-là, quand ils se sont levés, quand ils ont mis leur t-shirt, que c'était la dernière fois qu'ils mettaient un t-shirt. Que leur t-shirt, on en rêverait pour eux. Quand ils se sont habillés, que la prochaine fois qu'on leur mettra un vêtement, ce sera un linceul. Ils ne savaient pas. Mais celui qui prend ses précautions, qui se prémunit de la mort en état de péché, par le fait de s'assurer de ne pas désobéir à Allah, Inch'Allah, Allah lui accordera une bonne vie. Et lui accordera donc une bonne mort. ونسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين. Également, le dixième et dernier élément de cette soirée, c'est le fait d'habituer son âme à repousser les pulsions vers le mal. Allah عز وجل récompense ses serviteurs qui luttent pour lui. Allah عز وجل a dit: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. C'est-à-dire, et ceux qui luttent dans nos sentiers, qui font des efforts pour nous, nous les guiderons vers nos sentiers. Donc ceux qui font des efforts pour nous, c'est-à-dire cherchant notre agrément, notre satisfaction, nous les guiderons vers nos voies, vers nos sentiers. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et certes, Allah est avec ceux qui sont bienfaisants. Et on avait vu que le fait qu'Allah soit avec toi, ça c'est la ma'iyya khassa. Dans le sens où Allah te protège, te préserve, t'accorde le succès et t'assiste. Et donc celui qui fait des efforts dans le fait d'être pieux, dans le fait d'être obéissant, Allah l'augmente en guidance. En effet, Allah Azzawajal a dit: «Wayazidullahu alladhina ihtadaw huda». C'est-à-dire que Allah Azzawajal augmente en guidance ceux qui ont suivi la guidée. Et donc celui qui fait des efforts dans le fait d'être pieux, d'être un bon musulman, Allah lui facilitera les voies de la guidance et de la droiture. Non. Et justement, Ibn al-Qayyim rahimahullah avait dit que ceux qui sont les plus bénéficiaires de la guidance, ce sont ceux qui font le plus d'efforts dans la religion de l'islam. Et parmi les efforts qu'il y a, Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim avait dit qu'il y avait des efforts sur quatre choses concernant ton âme. Et je conclus avec cette mention-là. Le fait de lutter contre ta propre âme pour apprendre ta religion. Car il est bien beau de se lever de 8, pour faire de 8 à 5 au lycée, à la fac, pour apprendre un métier qui te permettra de gagner ta vie, ça c'est honorable. Si ce n'est pas dans un contexte de désobéissance envers Allah. Mais apprendre ta religion, c'est prioritaire, car tu as été créé pour ça. Donc tu dois lutter contre ta propre âme pour faire des efforts, pour te rendre à la mosquée, pour apprendre ta religion. Tu dois faire des efforts sur ta propre personne, sur ta propre âme, pour ensuite mettre en pratique, obéir à Allah, délaisser les interdits d'Allah que tu as appris. Ensuite, tu dois également faire des efforts sur ta propre personne, sur ta propre âme, dans le fait de t'efforcer d'appeler les gens au khair que tu as appris, de leur transmettre l'islam. Et ensuite, tu dois lutter contre ta propre personne concernant le fait de faire preuve de patience et d'endurance face aux répercussions qui découlent de ton appel au bien. Car les gens ne seront pas toujours réceptifs à ton appel au bien. Et les gens essaieront de te porter préjudice. Donc, apprenez la science, apprenez votre religion. Car la part de bonheur, de réussite et de succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà est liée à deux choses. Votre apprentissage de la religion, votre pratique de la religion. Tu peux avoir les diplômes que tu veux. Tu peux avoir l'argent de Jeff Bezos. Tu peux avoir l'argent de je ne sais qui, Bill Gates. Si Allah veut te mettre en enfer, yawm al-qiyamah, parce que tu n'as pas été un bon musulman, rien ne te sauvera. Même si tu donnerais la terre en aumône, ceci ne te sauvera pas. Par contre, si tu viens à Allah en étant un bon musulman, quelqu'un qui aura appris sa religion correctement, qui aura pratiqué correctement, qui aura enduré face à la désobéissance, car le sabr est nécessaire dans toute la pratique de la religion, le fait de faire preuve de patience. Cheikh Ibn Abdelaziz Ibn Abdelaziz Ibn Baz avait dit que celui qui manque de patience, soit il va tomber dans un interdit, soit il va délaisser une obligation. Et donc la patience est dans trois catégories. As-sabra ala ta'atillah, le fait de patienter, d'être endurant dans l'obéissance d'Allah. Ce n'est pas juste tu serres les dents pendant Ramadan, tu fais la prière pendant Ramadan, tu jeûnes pendant Ramadan, tu fais tarawah pendant Ramadan, puis le lendemain du Eid, tu mènes une vie comme un kafir. Cheikh Abdelaziz Ibn Abdelaziz Ibn Baz avait dit, ne réussira pas une communauté qui ne connaît Allah que pendant Ramadan. Allah, ou Rabbu Ramadan, il est le Seigneur de Ramadan, mais il est Rabbu Shuhur, il est le Seigneur de tous les mois de l'année. Donc le réveil que tu as eu pendant Ramadan, fais-le continuer après, Inch'Allah. نسأل الله عز وجل يحسن خاتمنا أجمعين وأن يعيننا على الطاعة وتقبل منا صالح الأعمال وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.